Amour épistolaire. Les nouvelles se suivent sans se ressembler. Maxime annonce dans un nouveau courrier que sa secrétaire leur a trouvé une solide maison de briques rouges. Elle devrait plaire à Faustine. Après celle en paille et celle en bois, sourit la donzelle de ce rappel aux trois petits cochons. L'homme est en train de déménager. S'il a été ravi de constater à nouveau l'efficacité des services publics américains, on lui a installé l'eau, l'électricité et le téléphone en trois coups de cuillère à peau. Il n'aurait jamais pensé qu'ils avaient accumulé autant de choses à eux deux en moins d'une année. Au fait, j'ai reçu un courrier des flics par rapport à ton accident du mois de mai dernier. Tu te souviens quand tu as foncé dans le stop? Eh bien, figure-toi qu'ils ne vont pas t'obliger à repasser ton permis. Ils t'ont juste collé une amende, même pas très salée. Tu as eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Je suis sûre que Colin a témoigné en ta faveur. À la page suivante, il parle de son orchestre. Il n'est pas content du travail de Jeff, son batteur actuel, et cherche à le remplacer. En allant jouer au Wharf à Washington, il a fait la connaissance de Bill Riddle, un tout vieux batteur qui a connu l'âge d'or du jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald et tous les autres. Il songe à lui pour remplacer Jeff. Il raconte que pour son anniversaire, les nanas du bureau lui ont fait une belle fête. Il le doit sûrement à Faustine qui a su tisser des liens. Il y avait bien entendu l'incontournable « surprise » de toute l'équipe jaillissant du placard et l'abominable gâteau éponge au glaçage verdâtre. Il a reçu un deuxième chapeau de cow-boy, alors qu'il n'a qu'une seule tête et encore même pas toujours. Et aussi une de ces affreuses cravates en ficelle cirée, comme on porte Don White. Il garde le meilleur pour la fin. Ses potes musiciens lui ont offert une version collector des chansons de Doris Day, en plus d'un 33 tours des Andrew Sisters. Il n'écoute que ça en ce moment. Il poursuit également sur les bouleversements initiés par ce cher Reagan, la déréglementation des prix du pétrole et aussi la réforme fiscale prévue pour cette fin d'automne. Il termine en disant que Faustine lui manque. Il a dévoré tous les petits plats qu'elle lui a laissés. C'était bien bon, mais ça ne remplace pas la cuisinière. Il a programmé quelques cours en entreprise dans les environs de Paris au mois de décembre, juste avant de descendre à Cagnes passer Noël avec les filles. Il compte bien partager un max de temps avec elle à cette occasion. « Surtout, fais bien attention à toi, ma chérie, » écrit-il encore. « On entend parler des attentats à la bombe jusqu'ici. 6, rien qu'en octobre dans Paris. Ne prends pas de risques, évite les pièges à touristes, couvre-toi bien. L'hiver arrive. Il a fait moins 22 l'autre jour. » En post-scriptum, il ajoute « Comment ça avance ces histoires de documents officiels que tu es censé renouveler? Il y en a encore pour longtemps et plus loin encore. Déjà 54 mois que nous sommes amoureux et pas un nuage. Oui, mais combien de jours en temps réel ? S'interroge Faustine. Si l'avènement de Reagan a initié le début d'une période de 30 ans de dérégulation dont on n'a pas fini de faire les frais, celui de Mitterrand voit poindre le 18 décembre le projet de loi sur les nationalisations. En clair, tout le capital des firmes sidérurgiques de 5 grands groupes industriels, Pichinet, CGE, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc et Thomson, de 36 banques de dépôt, de 2 holdings financiers, Paribas et Suez, ainsi que 51% du capital des compagnies fortement spécialisées dans l'armement, Dassault et Matra, tomberaient dans le patrimoine public. La loi sera promulguée le 13 février 1982 après un combat idéologique houleux. La droite défend son beefsteak bec et ongle avec 1400 amendements. Pour la gauche, la nationalisation est une arme de souveraineté économique, le peuple reprenant le contrôle des outils de production, ce qui est normal, pensent les amis de Faustine. Pour la droite, c'est une insulte, une privation de la liberté d'entreprise et de la propriété. Ah, cette sacro-sainte propriété privée! Que d'encre, que de sang elle aura fait couler! Ce vendredi soir, comme tous les vendredis, Julie se lave la foufoune, prend son baise en ville, ses chats et se tire en sa campagne. Faustine, elle, a rendez-vous chez Mireille, cette ex-maîtresse de Maxime devenue une grande amie. Mireille lui offre un livre qu'elle vient de finir et qu'elle adore, « La femme eunuque » de Germaine Greer. Ensuite, les deux femmes se rendent à la Huchette, écouter Stéphane Guéraud. À l'étage, elle salue Ignace, le truculent barman, amoureux transi de Faustine. Ensuite, elle passe rive gauche. Au Slow Club, c'est Maxime Souris qui sévit. Au piano, Faustine retrouve son grand ami Christian Ramey, qu'elle a connu au petit journal Saint-Michel. En ce temps-là, elle s'asseyait à ses côtés sur le tabouret et regardait voltiger ses mains. Christian ne manque jamais de venir l'embrasser à la pause. Faustine lui raconte pourquoi elle se trouve à Paris et chez qui elle loge. Le pianiste fait la grimace. Il ne supporte pas Karl, ayant appris qu'il battait sa femme. Faustine n'en revient pas. Voilà bien une chose qu'elle n'a pas perçue. Sans doute cela se passait-il du temps de leur jeunesse, non? Julie n'a rien laissé filtrer et ils ont, Karl et elle, l'air de filer le parfait amour. Elle en parle à Mireille alors que celle-ci la raccompagne rue de Longchamp. « Tu te rends compte et dire que je n'ai rien suspecté? Tu sais, tu n'es pas dans leur chambre à coucher. Et pour autant que ce soit vrai, beaucoup de couples sont très doués pour cacher leur misère. » Ouais, encore une femme coincée chez elle avec ses gosses, sans revenu, sans formation, obligée de subir. Les jours suivants, dans l'appartement de la place d'Iéna, Faustine se rapproche beaucoup de Julie. Cette fois, elle remarque le fond de tristesse que Julie porte comme un voile et aimerait bien en percer le mystère. Mais la carapace est solide. La jeune femme comprend juste, au travers de réponses sibyllines, que son hôtesse a un amant. Hélas, si Julie est heureuse de compter à nouveau pour quelqu'un, d'être aimée et choyée, elle est malheureuse de ne pouvoir se libérer pour mieux en profiter. Mais la discrète n'en dira jamais plus. Les soirs où Faustine est seule, elle découpe des recettes de cuisine dans une pile de magazines, elle, qui traîne depuis des lustres. Voilà une manne qui la suivra pendant des années. On n'a pas fini, outre-Atlantique, de vanter sa marquise au chocolat. Nonobstant ce détail, elle se défend mieux en cuisine qu'en danse. Répondant à l'invitation de Julie, elle s'est rendue à son cours de bebop un mercredi. Hélas, la malédiction des femmes de musiciens ne l'a pas loupée. Impossible de garder le swing. Faustine intellectualise tout, elle réfléchit à chaque pas, ne se laisse pas aller, garde le contrôle, et le temps de faire un mouvement, elle a déjà perdu le rythme. Évidemment que comme ça, elle ne peut qu'échouer. Déçue, elle se console néanmoins en regardant les autres. Ils sont si souples et si doués, c'est un régal pour les yeux. Est-ce de grincer ou de les serrer trop fort? Faustine a mal aux dents. Et bien sûr, pas les moyens de s'offrir le dentiste, tant elle a couvert ses hôtes de cadeaux onéreux afin de payer son loyer et sa nourriture. Elle écrit à Maxime qu'elle sera obligée de renoncer à leur rendez-vous aux Arcs de cette année. Pas de ski pour elle. Ça l'arrange bien, pas de torture non plus. Réparation de Quenot oblige. Oula, que n'a-t-elle pas dit là? La réponse ne se fait pas attendre. Maxime est cinglant. Ah non alors, il n'en peut plus de vivre seul. Alors épouse-moi. À quoi ça sert de gagner 2 000 $ par mois sans compter les 400 $ en moyenne que rapporte sa musique? Que Faustine ne s'inquiète pas, il lui enverra les sous. De son côté, profitant du pont de Thanksgiving, le jeudi d'Action de Grâce, il trouve le temps de lire « Du côté des petites filles » de Madame Elena Gianni Bellotti que lui a laissé Faustine. Ce livre, sorti en 1973, est une analyse fondée sur de très nombreuses observations de la vie de l'enfant selon qu'il est un garçon ou une fille. Il étudie les fondements d'une éducation qui se transmet à l'identique de manière presque inconsciente. L'auteur montre comment cette dernière est le résultat de toute une série de conditionnements et critique les méthodes pédagogiques, le manque de préparation des enseignants, les rapports faussés de ces derniers avec les enfants. Qu'est-ce qu'un garçon peut tirer de positif de l'arrogante présomption d'appartenir à une caste supérieure du seul fait qu'il est né garçon? La mutilation qu'il subit est tout aussi catastrophique que celle de la petite fille, persuadé de son infériorité du fait même d'appartenir au sexe féminin. Faustine se demande comment un macho comme Maxime va réagir à cette lecture, mais surtout si cela va faire bouger les choses en profondeur. Elle a ses doutes. Allô? Bonsoir, c'est Mireille. On se fait un ciné ce soir? Volontiers, il passe quoi? Les aventuriers de l'Arche perdue sur les Champs-Élysées. Formidable, j'avais très envie de le voir. Il paraît que ça fait un carton avec cet acteur. C'est quoi son nom déjà? Harrison Ford? Exact. T'as pas vu Star Wars? Non, la science-fiction, c'est pas vraiment mon truc. Honte à toi, ma grande. Celui-là, c'est un must. Ok, je vais me faire inviter par Maxime la prochaine fois, s'il a le temps. Après le film, que Faustine a adoré, les deux filles sont allées faire un tour à la Huchette. Mireille s'en va très vite. Elle se lève tôt demain. Faustine reste et discute avec Alain, un ami trompettiste. Il vient d'être papa pour la deuxième fois. Faustine l'entreprend. « Tu m'en ferais pas comme ça, à moi ?»« Et pourquoi pas ?» répond l'heureux père, dont l'énergie sexuelle est en jachère depuis pas mal de temps. « Tu m'attends à la sortie, je m'occupe de toi. » Une heure plus tard, quand Alain remonte sa trompette à la main, Faustine est prête à sauter le pas. Les futurs amants s'embrassent à bouche que veux-tu, sans souci des regards désapprobateurs alentour. Or, ces doux échanges, loin de stimuler le trompettiste, semblent lui faire prendre conscience que tromper sa femme, alors qu'elle vient de vous donner un fils, n'est pas vraiment la chose à faire. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, sans rire? Oui, j'ai beaucoup trop bu et toi aussi. Ce n'est pas raisonnable. Notre amitié vaut beaucoup plus qu'un coup tiré à la sauvette. Tu le regretterais demain matin, et moi aussi. Dommage, mais tu as sûrement raison. Si elle est en mal de tendresse, ce ne sera pas pour longtemps. Maxime annonce son passage à Paris. Le lendemain matin, rue de Longchamp, chez les Laclairières, c'est le drame. Figurez-vous que la nuit dernière, on a volé la Porsche de Karl. Il est rentré du slow à 2h du matin, comme d'habitude, et s'est couché aussitôt. Dans un demi-sommeil, il a entendu sonner une alarme de voiture. Le temps de pester contre le coupable de tout ce raffut, il s'est retourné et rendormi. Évidemment, ce matin, tu peux être sûr que la voiture a passé la frontière, qu'elle se trouve déjà en Allemagne ou en Espagne. Julie se marre. Plus tard, elle racontera à Faustine que ce vol l'arrange. Elle n'a jamais aimé conduire cette Porsche décapotable, beaucoup trop puissante. Et puis la jalousie des gens sur la route lui faisait peur. C'était cher payé quelques heures de satisfaction.